Staff moderne, Olivier Aqua, Eric Webs de Mukondo, Gabin Zota, Emeline. Kufa. Fais-moi plaisir à la fête de mes. Leader des grands travaux, Celtel à vous la parole. Oh, Apollinaire, Jean-Nicolas Bembe. Oh, Nazobe la mame, maladie pas si mini. Oh, Nazobe la mame, maladie pas si mini. Oh, maladie kabe la na oh. Ya ya konsa mi oh, na kope la ma koko nyan soba, si la nanya sali sanga. Kope la la ise lo teme. Yagi le kaka. Esclave bolingo moñololo wa wa onse yenga yenga so ki ali me mwasi mingi okokoma taba na vaya mabanyama suka se okoma soba na se ya mokili ye Kabra Longo papa na Serena Tine Wallace ngai mata na kana kite vraiment na koko maboye Serge Moa na kana kite vraiment na koko misolé tout ça cause de toi l'amour chaque kenaka amour ya fali mabé yo ti aspire mon amour to na kanza monotomi a kono kani sa kono telile na yo est ce que va sala ka boye pa mon avis amour et tourne mon esprit prénom ya bien Maître Armand Robert Okoko Mais amour y'a zali kolo Yo yo ki matema wato changer destination Jean Bertien Sela Quand c'est pas la bonne époque comme Ayo Samabe Rifel au panel inele qui a Lucifer Et puis nous c'est tout Y'a Paul Obambi, Oyo y'a sa pro Et comme ça la vête en satan a son angaï La sangue n'a qu'à y'a mini te pèse n'a qu'à y'a sa mon béo Quand l'amour n'a y'a na Juliette t'a y'a romantique L'amour Rodrigue Leboa puissant Yeah, l'amour est vraiment y'en sali jaloux N'a pas y'en tiana de mon nom, ma na la la Emile Rosso et Forestier Voyez ma petite dame, ma na sali poisson A quoi ça pas utiliser ma voix qui est mort Y'en fou loué Vincent Gomez et Vicente Et si ça s'en a des as, ce qui est pas de l'inaï Quand on mis ça n'a pas ta vie, nous qui est doyen le sol Jeunesse congolaise, Edgar Gaya. L'amour est Docteur Patrick Inko Miso Elvis Kovo Parrain Miso Hello comme lui moi zanga na ngondo kotolwa Tija kontu Malade a boli moi zanga na ngokutu kisi Kasi tolo baka kakana bato je teme Yo moto pousa kolo bana moi si je t'adore Papi basta la mwe kasi ramelite Nerele, nerele, nerele, nyara Et pourtant, nous avons représenté nous sur la terre. Nous sommes comme une angoisse en sens inverse. Yangwe kumbinga kupananze la itatulu. Amour tina, sundolinga kakaboye. Lili lumande nga yawa na wiye. Dominique Angouabi le conseiller Fabien Universal, Arnaud Jombo et Sandongo, Kachara la Bangi Punda ya Pembe, Mariba Moyen Mado Kwere 12 balles, Maxime Gondion et Vava, Pierre-Michel Ngimbi, Ya Henri Osebi, Gabriel Etaïbia, Ngo Mathieu le Consul, Hugues Golden de Minel, Wapi Annika Golondele, Obina Yango, hein? La marraine Emilienne Le Koundou, Hortense Ponchal, Docteur Henri Germain Monabeka, Edim Banda le DNA, Alain Magosso le DAF, Alain Mongo, Patou Adampo, Hilaire Ouaché, Monsen Dinable Gimboala, Mariam appelle-moi Chantal Alemba. Londonien, Mobali à Anne-Marie Mabirou, à Michigan appelle Oxygène, Moko Bouakabi, sa côte à Zou. Aïe, le prince de Jalier, tu fais mon corps. Julien Baya, il Maurice le parrain, et Zom Vloupiki, la Janelle Hôtel. Bakende Bokila na bataba pona likambi ya bambwa Blaise Bomele Fimba Fatal Balotiti Huguette Diasili Willy Mampono Christophe Bondanga Aurélien Madede Christian Mouleki l'homme de l'année Nambo Koko Basangi Sakabato Bambongi Sima Kambo Yolandi procédure on dirait Bim ebuka karanga mino na tiantembe na monyango Gabriel Longo be Frederic Ngekwa Armito Moselekete, au matin d'été, la colada on a côté les mains. Armand Andouana, le grand angle de Paris, Joseph Banzou Saris. Ah ouais, konananga ya more. Il fallait pas, il fallait yo camper version nanga ya bafé. Tu ne m'as pas surpris en flagrant délit, mais plutôt en flagrant déliré. Président Bamondele et tout sous Temba Tolikiva, président Jacques Ngambou, Norbert Yoka Kalaka Monene à Douane Pointe Noire. Je plaide non coupable. Association Espoir Renin, Mélanie Douane. Je plaide non coupable, car si va prévenir ce Zali contre un gaillé. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Verdict tango épais, ça m'a qu'il n'a pas de kira ou l'empa à tout banga. Tonga et n'a moussi ça. Tonga ya formole na kauka na koma na ngaye keko. Na kwe ya bala bala na bango. Pona mona kara, mwana merengu biye. Mona kara kaya tabo nyoso. Les épouvées, bassin. batiki maya mati likolo ya zelo soki moto amoni asala nini hein leli maposo papa na gramo clipoko Bassora, fan club La Tornade. Le grand angoule, Zébira Zatatata tout Azali Kobe Mesampem na micro Jean-Roger Djamba, Christian Diatou, PDG Sahir Emmanuel, Kokobe Kever, Guilhem Bombette. Na koti mouma sansé na yo, mote meza kole la pindio la leçon. Je suis un élevé. Le frère de Ronga Ronga, Hector et Bambi à Manchester. Il est comme le Tinangana, change d'adresse. Déménagement, le poids éternel qu'on peut finalement signer. Aigle impérial, cristal à Takananga. Na commune est à Tolo. Colonel Larex Bakala, Oyo Yatina Bakala. Communiquez message à Natini partout. Télécommandière TV, Panogion Prospectus. Mégaphone, Mabokoli, Colin ZP. Norbert Dabia. Nagara Combo Nayo. Instagram l'impérial. Excellence Alain Aguala, Cerveau bleu. Hey, papa. Molingo na senye panayo ya moi moke Apocalypse. Besanga na sanya plastique na pozala. Très heureux, très ému. Willy Pili. Kasi oya porcelaine. Maina ko kite meme ya like na ina zile. Abandon. Onga na lela nina fali sanga. Nanya ko viki sarudae. Ona nya ko sali sanga. Napoli la pamba. Onka mames mami ma emeringwala. Ah papa, hi, la tata blouse à bavoka, ba juge ba procureur. Yo consomme divorce, y'a les vapeurs, nani tama nanga. Rémi Ayayos. Soucies à la tambongo. Yo koku tanga y multimilliardaire. Y'a mon cul. Constant devenu kogoloa. Y'a la nani en salissanga. Nani a kobi ki sa rogaye. Y'a pas vas-y. Ona nani a ko salissanga. Nakone la pamba. Docteur Gandia Patrick, Docteur Yves Ansi. Soki a Jovi a Salikora. Pharmacie Jagger. Y'a souci de chagrin d'amour. Hey. 5 et 10 de Conte Cora. Nako soyango. On a souci na yo. Y'a Zézé Zekina, Colonel Otina. Mboli mona pesi na sani. Y'a comme y'a songi sana na kasa. Minha ma bena sali onde to pole lo to bana meli na mokongo wanda ibata Barnabé Samba best man le meilleur ah oyo bina yango na oyo ya yo moko ya ndako alors simba ye hein token elengi hein ah. Samba ye yango na yo ya suka papa komi tongi samba na bolingo ezali pa. Le sauveur Alain Awe. Sonia Tikaya. Samba yokai bilela nanga mwana arrive selimena. Pourquoi na nyoka makau kelele na bashoka la vie. Yeah. Kotinda kwa mokuye. Susienti nga minga rosene. Nga ya nga na bele liwi stromo kalu yorchil moko ke manuele kimwale. Sharrobo lunda merijona. Nga na kwe mikonyo kwa malo kola motona kuma. Eko miotungi sanga jina ingo batongo koko anda kukunda chane mife. Boli nga ya mape. Mystique mystère. Non, pas de la José de Bode, José de Bode. Lewis et Mangasa, Mwana Pilaye. Mariam Ramadan. Oe Dorsi, Kabana Salon Bilale. Ezanga e anona yo e asuka papa. Oe na bona kufa pona yo. Na bona kufa pona mature koma sujere tous les jours. Zomanga na bika. Christian Daeko, Jean-Claude Mongoli. Ezanga e anona yo e asuka papa. Maman Clémence Koyo, Koyo Kiramatulay, Fondation Hanse Peter Miller, le Congo vous est reconnaissant. Écoutez Papi Bastien Chan. Kolo Moussousou, Soki Ozui Mwamingi, Marenga Lina Kien, Salisa Boba Zangi, Rosale Anango, Hataba Bienfena, Baboya Kondi Malabaye, Rosalisa, Nzambe Tata, Kongoya Toko Kosayo Mapamboli. Oh oh oh. Loku mwa parisien, tchatche ten krokote, zonga mboko tonga. Yaza sen tchumu, lobela bala bundese, susi nanga sepo zonga mboka. Le maréchal Anzonzo Kani, Claude Okoya ya Raissa, Thierry Ngolali, Sandrine Ngolali. Erdi Makasela, loku mwa parisien, tchatche ten krokote. Bouddha de Manuka, Papa Bonheur, Dieu Vanni Pino, le président Gaston Oyo, Papa Stona, Fabrice Ngombe, Petit Mekosto, Mesme Achoussou. Mwana, disola ya sigana na kuni, Oyo l'enfant prodigue Libanga babwa kina likolo Suka sekweya Salangele ami Nabare pura son victoire Hein, le président du cours confirmé Kori Obligatoire Madja Bayoubutila Dame Nana Ngombe Oye mami kata ya diga kato Mala teke la kamo agatia dote Kasa mama mala teke la kamo agatia Bine tuite kona Anakata kamo agatona Kanyo kwa kona Anakata kamo agatona Rakaka rakaka Rakaka rakaka Oye tuite kona Anakata kamo agatone Boto sayal sayal Boutou, Landry Boulaba Rodrigue Sublime DJ Orsi Faustin Koutika Sir Mbemba Nico Papa Profina Ali Thomas Sivi La propriété sans effort, Savon Hill, Mary Mazou, Rock on Bell, la grande transiteur, la porte la belle. Lorsque la mémoire va chercher le bois mort, elle ramène le fardeau qui lui plaît. Hermès Ndibara Motema et Joseph Ibarra, Ferdinand Kimbangu Papa, le capitaine Hugues Ondongo, le Benjamin de San City. Mexo Elenga Motema Nangelu Kayokala, Nabandote Pena Baveye de prière. Ce tanga kopa na zwate ano Lelo motemeti kala loko landoto ya baba Vive urbe buya Amour timbi bwakata miso epa ingana zowaye Bolingwe komelinga suka lifelo Michele kundi wako mabelongwa Eti kanga motema nyekia natu Lekia Karin Mabonza Stella Saboka Mama Ashley Mabini nyango na sala Atel poka boya ko limbisa Kutu wana zamba limbisa Bae baba kai na kuruze Pokwa panga iwa yo jirondeza Nyo benga kimona mu Bon mariage Adelaide Sir Moluba Francis Ngami le mugonso de Strasbourg Dadako Ali Oda Yeba Simano wana silanzo Toba koma kobe nganga Somalien Komo nange kopya mawako le kabareska Pe ya Sobibor Bolinga kayo e changanga Adres na koma nanga neta tolo Pour la vie et pour l'éternité mwasi mwasi nzoto ndei de jeune on zambe tobinako bolingo salinge kwase akonie oyo bakotia na moto mopepe mema se putulunga kopa mexelenga si c'est vrai olingi ngai ya kolongola likonga oyo opika na motema na ngai zongisa bolingo na nga oyo teka na zando ya bitula mponga ya wana we na wena ngai Serge Bouya le premier joueur Mexelenga wa osi obominga e na wena ngai martira bolingo na rejoindre Dominika tiponga doyi na ye resuscite nga na liboyo pone linga na pia bizu na tania na lara makila na nga dudu koba na wena nkene ya bolingo molimo nange koma sans interdia bamoro kolinga te balingani baleka Mexelenga olia tianga na lipiko atienenga likolo a barbecu balinga kotumba basusu baleya seigneur vandenberg karine epei mexo alobaki silfo apardonenga nakumba epai bafunda moise eti basoso babima mino kati yenga na leli oyebisa lonzo moise ombeto ye nonono gogontiba le maire union européenne Le conseiller Jean-Jacques Bouya, ballon d'oxygène de la jeunesse. Emar Bouya, tour de contrôle. Cléphone Dessa, le motivateur des motivés. Stanislas Ndeke, Yadjo. Kader Boulalaï. Bolingo salinge kwase akoni Kati molai mama Teresa Oya bakotia na moto mopepe mema se putulunga kopa Mexelenga si se mayo lingi ngai Ya kolongola likonga oyo opika na motema na ngai Zongisa bolingo na nga oyo teka na zando ya bitula Bonga ya wawe Sentia bukuta enga mominga Mexelenga wa osio bominga e Na wena nga martira bolingo Rejoindre Dominika tiponga doyi na ye Resuscite nga na liboyo pone linga Na pia bizu na tania na lara Makila na nga dudu koma Na wena nkele ya bolingo Molimo nange koma sans interdia bamoure Kolinga te balinga ni baleka Mexo elenga ole tianga na lipiko Atienenga likolo a barbecu Balinga kotumba basoso bale ya seigneur Vandenberg karine pe Alo baki sin fwa pardonenga Na kumba epai bakunda moise Ti basasa babi mamino Charnel inga na lelio Yebi salonzo Moise ambeto ye non non non Didier Giscard un jazz Bako sala kabo ete na mote balinga kadie Na kufunda yo na cupido Mo bateli na biso ya bolingo Ponga ya wana kukite Nako bienga Esperance Nziou, na Priska Okemba Didier Makouzou Gisèle Ingani, Michel Angueso Ninel Golondele, Edith Luisi Tito Claudia Lebumba, Sœur Marie Bouya Mamana Jordan Rosy Bataille, Yena Sina Itouaye yo, yo, oh. Hey, District Congo, Gelongondo Max Mviri Nini Shekondo, Mama Yohan Le Comte Olivier Alankwa Oya Seltel Le capitaine Mungabio Gilka Apele Maître Olivier Milenge Toyo Kali Solo Mokolo Tobandaka Musique na biso Tobandaka na bisengo Meba Kadia va sacrifier biso lokola mwana nzambe na kuruzi Mais Mokolo Misato to se kwa ki Hein De base kunzi jukende Obligatoire, Badia, Bayoutsila, Ina Okiel, Mama Dieu veille, de Agar Rosita, Brice Gérard Motema à l'espoir, mode tatier. Je suis ton poisson, Richelo du Cameroun, Gaï de Gaï et Jouegagne. Alex Bonzobo, Kilo Bravo, Lochewell. Rock Poposi Okito Habib note de commandeur Na yuka yo na sango ngai na sera kayo papa Na yuka yo na sango gai toko tana mi pesi Awana siki mi balewe Ya bamba wabe ya bamba chikona yo Amo mi nongo tre sage Ya kisa ngai lo koko bobo lingo Ola kuyo na kaka na sana loko la pepa Na mokili ya ose Na skets na bosanite Ousmane la ose ya shogun Sadou Kouré Na sengi yolinganga Lokola lendo alinga kalela Na sengi i osalanga Lokola duka yonza salaka na mabeti Kida na gade Ya balino ademo kasolo dinine Toa kari ya sentimana Kala mabopa remo mounza kama Yo mayala, Florentella, Nestor, Nyama, Nikamonanga, Papa, Papa, Lado, Koko, Tate, Mer, Elanga. Lila, Lila, Lila. Un petit onda, le vrai parisien, Eric Gongara. Et Kalanga. Tania et talanga ye na le mito ima ona kaza motema na mabonga na kisise yo kae toko tamo ya fredo june computer junior dumu na zopo mote bolingo dengo sotunge sa main kota tanga pense dizo na yo ata komo tona lilita ba me makam folo lo rosa Isaac Chicote Kouyaté Infidélité Zanderesi Pense à l'histoire en Zamba Loba qui n'a la tête Kote la na Si ma tema et ma koleka Moi si na yata la kia Bongwa meke kwa mungwa Yeah. Georges Kengo. Charo Wenze, il y a Jean Mouquet dans la primature, Wilco le Poussin, Nadine des Angoules, Léopin des Angoules, Rodrigue Munda, très mystique, Aboumela, Ramba. La table ronde, Junior la richesse innée, Anthony Pongui la sureur, Amélie Gina la perle rare, le Capitole sexy show, chez Stéphane. Zotwe kaukinga na bolenge maladi d'amour, Wolen coiffure, Akei komi boakama na losamboe, Na misundoli na maboko abanganga zambé. Solution ikende ve Faji milaba papa na Faji bibi merveille Lokanga ko papa pa na Tania na Lara Lokonia Mosena Zotwe kaukinga na bolinge malatidamu Na kei komi waka na losambo ye Shaki Bertatia Na misidoli na mapokwa banganga zambe Solution ikende ve Nantimi na kofa bole Yé mama fifine Lady Ewara mama Michelle Na fa na mama lome ba wansi abolingote Alphonse Ngambe Yé wako yo abolingwa ekumi nga la chume ya desespoir Soule Daouda Jaco Folou Pourquoi aimer si fo souffrir zambé wa bolingo Si fo souffrir pour être aimé Séduction Michel Tati Bolingo Ponelinga Isela Lilita Fadji Undimi Keto Pali Mwanaye Vraiment Est-ce que na Bolingo Nyoswe Salaka Boye Maria Tipo Maman Yebisanga Saki Bolingo Yango Yango Yo Pona Kokite Na Kokite Na Kokite Fadji Na Kokite Milabayo Kwa Kinga Na Fulu Sous-titrage Société Radio-Canada Gilbert Nzombo Bomonzo Zobali Bozo Mayele Simana Salaka Kidiba Na Eko Soutouka Na Simeko Ma Deja C'est Trop Tard Na Iko Libanki Miami Cecilia Matsangwa Migawa Ayo Boni Kokende Yeba Otiki Mwana Moninga Mawa Susi Yeba Otiki Levinsone Mawa Pansei Binzoli Nanga Lokola Niko Konanya Koyo Na komi lokole tika mawana kosobo Ngaye medved kondom na zinja yudu T'adore mon amour, na ponise yo Gerson Sadam C'est que na nyopo mi, na boli mondo ke aya Na koko no hami se pona yo Ondongo Alexia Tupe ko sala ngabo ye, mami ye Michel Vinga Yo sambu isi ngay ko sambu asusi ye Ronda Boudou Franck Kitoko na yo esi Sanga posa ko linga basuswe Chakuna boko damaso Kami se kokondo na basusi Na yo tianga tapine de reserve na mokula Baye bate balishi Baye bate uko wando Sinde langa taba foto Doudou kopa de miyamo Kutake na tona na konta na koe ya mokuya Na soare shimange mboko bima kase ba pokwae Kobanga se mase inye abolingo na tuta kitolo Neno asundo linga Uwilimbang na teo maya na bako mako tunakayae Nga ina yo kisoni Libo se mesme likibi Malinga Osena Olamur Ulolangwe Yo bolingo Mpona nini ya mimi saka maka mayebe Alain Sister Batantou Donga la konde linga yuwa tope boho Ma yuwa nangana refize Boutique na la Paris Yana la samange na prezo Il azar de France Mboli mwe change Mboli mwe kome na batrible chobo Pelo ya disangaye Aye, mekzongo noke Zinze luya Oscar Wonsu lelele Oh yeah. yo bolingo yelanga ta na nduto na yoka mwazutu na yoka santima motema ezala na ye et Pasaka, Kolorai. Mon commandant Yvon Itoir. Yeah. Seule la foi sauve l'homme, les œuvres sont inutiles. Christian Moncou, Colo Externe, le Majesté Night Club à Libreville. Mbata Kuluzu, passe na Yesu, bisengo na Yuda, et ta Romiale, Dani Bateas. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Yo kelande biso mawa basumuki. Tobi misa motoata na mapata o tere biso. Charles Bedelet, petit Pierre Yvon. Mais à coup famille. fête bien faite. Thank you. Ah!